L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien. Lénou se lève aux aurores pour étudier. Elle a tout à apprendre, la géographie, l'histoire, le latin, le grec, et même les tournures de phrases appropriées pour briller dans le lycée des bourgeois. Elle continue d'admirer de loin Nino Saratore qui ne lui prête aucune attention. Lénou doit aussi apprendre à ne pas se laisser complètement envahir par les angoisses de son amie Lilla. Une occasion inespérée de s'échapper lui est offerte quand Madame Oliviero, son ancienne maîtresse d'école, lui propose d'aller passer les vacances d'été sur l'île d'Ischia, non loin de Naples, chez sa cousine Nella, qui a besoin d'un peu d'aide quand les vacanciers arrivent. Lénou quitte le quartier et va passer l'été au bord de la mer. 8e épisode. Un été à Ischia. Cet été à Ischia fut une renaissance. La cousine de la maîtresse s'appelait Nella Incardo. C'était une grosse femme très joyeuse, bavarde et célibataire. Elle louait sa maison aux vacanciers, ne conservant pour elle qu'une petite chambre et la cuisine. Je dormais dans la cuisine. Je devais préparer mon lit le soir et tout démonter le matin. J'avais une série d'obligations incontournables. Me lever à 6h30, préparer le petit déjeuner pour Nella et ses hôtes. Quand j'arrivais, il y avait un couple d'anglais avec deux enfants. Débarrasser, ensuite dresser la table pour le dîner et faire la vaisselle avant d'aller dormir. À part ça, j'étais libre. Je pouvais passer ma journée à lire sur la terrasse en face de la mer ou descendre à pied par une route blanche et raide jusqu'à une plage de sable noir. Qu'est-ce que tu fais sur la terrasse? Mets donc ton maillot pour aller te baigner, allez. T'écriras plus tard. D'accord. Au début, avec toutes les peurs que ma mère m'avait inoculées et tous les problèmes que j'avais avec mon corps, je passais mon temps tout habillé sur la terrasse à écrire une lettre par jour à Lilla. Je suis prête. Mais c'est un maillot de vieille, ça, ma chérie. C'est ma mère qui me l'a cousu. Ah, t'inquiète pas. Je vais t'en faire un plus à la mode. D'accord. Nella se mit à la tâche et me confectionna un maillot qui, selon elle, était plus moderne, très échancré devant, moulant davantage les fesses et d'un joli bleu. Bien. Je l'essayais et elle fut très satisfaite. T'as vu ça ? Sous l'emprise de mille peurs et mille curiosités, je pris une serviette et un livre et me dirigeai vers la plage des Marrons. Magnifique. Allez, file. File, file, file. T'as pas de temps. Comment avais-je pu vivre dans une ville comme Naples sans avoir jamais eu l'idée de prendre un bain de mer? Ne viens pas tout de suite, hein. L'eau de mer et le soleil effacèrent rapidement l'acné qui gonflait mon visage. Donc, quand t'es arrivée, t'étais une épave, hein. Et maintenant, t'es devenue une beauté. Merci. Ça fait un bien fou, la plage. Ça, oui. Les 10 derniers jours de juillet m'apportèrent un sentiment de bien-être que je n'avais jamais connu auparavant. J'éprouvais une sensation qui ensuite s'est souvent répétée dans ma vie. La joie de la nouveauté. Seule Lilla me manquait, terriblement. Un soir, Nella m'annonça qu'à la place des Anglais, une famille napolitaine allait arriver le 1er août. C'est la deuxième année qu'ils viennent, hein. C'est des gens très comme il faut. En particulier le mari. Un véritable monsieur. Qui dit toujours de jolies choses. Et tu vas voir, leur fils aîné, c'est un très beau garçon. Il doit avoir 17 ans cette année. Comme ça, tu ne seras plus toute seule. Je me sentis gênée. Immédiatement angoissée à l'idée de ce garçon qui arrivait. Quand je la rejoignis à la cuisine, je la trouvai un livre à la main. C'est un livre écrit par le monsieur qui arrive demain avec sa famille. Je le garde précieusement sur ma table de chevet. C'est un livre de poèmes. Maintenant, je les connais tous par cœur. Tiens, regarde. Essai de sérénité de Donato Saratore. Regarde, il me l'a dédicacé. Ouvre. Pour Nella, qui est au sucre. Et pour ses confitures. J'écrivis aussitôt à Lilla. Je suis... Comme ça, j'allais revoir Nino Saratore. Nino. Je ne fis que repenser à ce moment intense, il y avait un siècle, où Nino m'avait déclaré son amour. Le lendemain, j'allais à l'arrêt de bus pour aider les invités à porter leurs bagages. Je reconnus toute la famille Saratore, les parents, les enfants, Marisa et ses petits frères, mais je ne vis pas Nino. Oh, les loups! Ça me fait tellement plaisir de te voir. Oui, bonjour, papa, bonjour. Maman, vous reconnaissez Elena, la fille des Grecs. Je vous remercie. Merci. Oui, bien sûr. Ciro. Bonjour. Mais viens ici bonjour. Tout de suite. Oh, comme t'as grandi. On y va? Oui. Ça va, le petit a pas été malade? Non. Les Saratore s'installèrent dans leur chambre. Et moi, j'allais à la plage avec Marisa, qui connaissait très bien les Maronti et tout Ischia. Il faut qu'on aille à Forio, c'est plus animé. Ici, à Barano, il n'y a rien à faire. On s'ennuie. Je sais tout sur toi, Lino. Tu vas dans le même lycée que Nino. Tu es très forte en classe et tu sors même avec Gino, le fils du pharmacien. Ouais, qui t'a raconté tout ça? Mon frère. Ça fait longtemps que je ne suis plus avec Gino. Ton frère n'est pas très bien informé. Je lui viens de penser aux études. C'est déjà beaucoup qu'il m'ait parlé de toi. D'habitude, il a toujours la tête dans les nuages. Et il vient pas? Il viendra quand papa s'en ira. Et il reste longtemps, ton père? Seulement 3 jours. Puis il retourne au travail. Alors Nino arrive dans 3 jours? Oui. Il a raconté qu'il devait aider la famille d'un de ses amis à déménager. Et c'est pas vrai? Et non, il n'a pas d'amis. Et de toute façon, il ne déplacerait même pas ce caillou d'ici à là pour maman. La seule qu'il aime un minimum, alors tu parles qu'il va aider un copain. Bon, on se retourne. Oui, fais chaud là. Donc Nino m'avait reconnu. Donc il savait qui j'étais. Et il n'était pas distrait, peut-être timide ou honteux à cause de la déclaration qu'il m'avait faite quand il était enfant. Le soir, la famille Saratore dîna dans la cuisine et ils invitèrent Nella et moi à manger avec eux. Ce fut une belle soirée. Nella, notre chère Nella, quel dîner délicieux. Merci. Quelle merveille d'être là. Ah, comme je suis content, vraiment. Alors Elena, tu travailles bien à l'école? Ah oui. Les études, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, tout à fait. Lenou. Oui. Hein? Marisa. Oui, c'est bon, je sais. Il faut le faire. Mais c'est pas la peine de me dire à chaque fois. Non. Surtout en vacances. Ah non! Pas ça, mademoiselle. Ah, poussez-vous de là. Ce soir, c'est moi qui fais la vaisselle. Je l'observais très attentivement. Il me semblait plus paternel que mon père et d'une courtoisie hors du commun. Après quelques jours, Donato repartit pour Naples et Nino arriva dans la soirée. À table, il ne s'exprima que par monosyllabes et ne se présenta pas au petit déjeuner, puis alla nager seul. Mais en quelques jours, la situation s'améliora. Je m'aperçus que, de temps en temps, il me regardait et puis tournait la tête dans une autre direction. Nous parlâmes de nos lectures, ce qui ennuya Marisa. Au début, il eut l'air de m'écouter avec attention. Et puis, exactement comme Lila, une fois qu'il commença à parler, il se laissa de plus en plus emporter par ses propres paroles. Il semblait apprécier ma présence seulement si je me taisais et l'écoutais, ce que je me résignais bientôt à faire. Parfois, Marisa nous jetait des poignées de sable. C'est pas un peu fini? On s'en fout de ce Dostoïevski, de ces Karamazov. À toi, Marisa, évidemment. La littérature. Tous les 3 ou 4 jours, Donato Saratore revenait, mais il restait 24 heures tout au plus, puis repartait. Il disait qu'il n'arrêtait pas de penser au 13 août, quand il s'installerait à Barano pour 2 semaines complètes. Dès que son père arrivait, Nino devenait une ombre. Les filles? Ouais. Vous voulez sortir à Forio avec moi? J'ai pas envie de rester à la maison. Super, oui. Marisa se lia d'amitié avec des jeunes rencontrés à Forio. Bientôt, elle se mit à sortir avec eux tous les soirs et je me retrouvais souvent seule avec Nino. Quand on était gosses, j'enviais beaucoup ta relation avec Lila. Je vous voyais au loin, toujours ensemble, en train de bavarder. J'aurais bien voulu être amie avec vous, mais j'étais trop timide. Tu te rappelles quand je t'ai fait ma déclaration? Ouais. Tu me plaisais beaucoup. Merci. J'imaginais qu'on se fiancerait et qu'on serait pour toujours ensemble. Tous les trois. Tous les trois? Oui. Toi, ton ami et moi. Ah. Je comprenais vraiment rien à ces histoires de fiançailles. Comment va Lila? Elle a continué ses études? Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide ses parents à la cordonnerie. Elle était tellement douée. J'arrivais pas à la suivre. Elle me brouillait la tête. Elle est plus comme ça, elle a changé. Ah. Après cette conversation, je cessais d'écrire à Lila. J'avais du mal à lui raconter ce qui m'arrivait. Et puis de toute façon, elle ne me répondait pas. On va faire un tour au port ? Un soir, je dis à Nino que je n'avais pas envie d'aller au port et préférais me promener au Marronti. C'était la pleine lune. J'espérais qu'il viendrait avec moi, mais il partit avec sa sœur. Moi, pour une question de principe, je pris la route pierreuse qui conduisait à la plage. Le sable était froid, noir-gris à la lumière de la lune, et la mer respirait à peine. Il n'y avait pas âme qui vive et je me mis à pleurer de solitude. Mais que suis-je? Mais qui suis-je? Je me sentais de nouveau belle. Je n'avais plus de boutons. Le soleil et la mer m'avaient rendue svelte. Et pourtant, la personne qui me plaisait et à laquelle je voulais plaire ne manifestait aucun intérêt pour moi. Quel était mon destin? Je pensais au quartier comme un gouffre d'où il était illusoire d'essayer de sortir. Je viens avec toi, mais il faut que j'aille chercher ma sœur dans une heure. Ah. D'accord. Tu sais, j'emploierai toute ma vie à m'efforcer de ne pas ressembler à mon père. Il est sympathique pourtant. C'est ce que tout le monde dit. Et alors? Comment va Mélina? Comme si, comme ça. Il a été son amant. Il le savait très bien qu'elle était fragile, mais ça ne l'a pas empêché de la conquérir, par pure vanité. Et comme il est convaincu de rendre tout le monde heureux, il croit que tout lui sera pardonné. Il va à la messe tous les dimanches, il nous traite bien, nous, ses enfants, il est même plein d'attention envers ma mère, mais il la trompe sans arrêt. C'est qu'un hypocrite, il me dégoûte. Mais Lina et lui ont été emportés par la passion. Comme Didon et Aîné. Ça fait mal, mais c'est aussi très émouvant. Il a juré fidélité à ma mère devant Dieu. Il ne respecte ni elle, ni Dieu. Même toi, tu me comprends pas. Mais si, attends. Si, je te comprends. Je lui touchai le bras. Ce contact me brûla les doigts et je le lâchai aussitôt. Il se pencha et m'embrassa sur les lèvres. Un baiser tout léger. Je pars demain. Mais t'avais pas dit que tu partais après-demain? Oui, mais j'ai des choses à faire. Je pleurais toute la nuit dans la cuisine silencieuse. Je m'endormis à l'aube. Réveille-toi, enfin! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le pauvre Nino qui a dû prendre son petit déjeuner sur la terrasse. Il est déjà parti? Mais quelle heure il est? Allez, vas-y, vas-y, tu as peut-être encore le temps, dépêche-toi. Allez, vite. Je courus au port en espérant arriver avant le départ du ferry. Mais le bateau était déjà au large. Je passais de tristes journées. En faisant les chambres, je trouvais un marque-page en carton bleu qui appartenait à Nino et le cachais dans mes affaires. Le soir, dans la cuisine, dans mon lit, je le reniflais, l'embrassais, le léchais avec la pointe de ma langue. Et je pleurais. Aujourd'hui, j'ai 15 ans. Oh, ma chérie. Oh, Gouri. Ah, il faut absolument qu'on fête ça. On va organiser un bon petit dîner. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, tiens, voilà le facteur. Je descendis en courant, le cœur battant. J'excluais que mes parents m'aient écrit. Lila. C'était Lila. Je déchirais l'enveloppe. 5 feuillets très denses en sortirent. Lila savait parler à travers l'écriture. Chez elle, tout semblait parfaitement naturel. On ne sentait jamais l'artifice de la parole écrite. En la lisant, je la voyais, je l'entendais. Cette voix, sertie dans l'écriture, me bouleversa et me ravit encore plus que lorsque nous discutions en tête à tête. Elle était totalement purifiée des scories du parler, de la confusion de l'oral. Elle avait la clarté et la vivacité que j'imaginais être celle du discours quand on était assez chanceux pour être né dans la tête de Zeus et non pas chez les Greco ou les Cerullo. J'eus honte des pages infantiles que je lui avais écrites, de mes exagérations, mes frivolités, ma joie feinte et ma douleur fabriquée. Qui sait ce que Lila avait pensé de moi? Le premier effet de cette lettre fut que je me sentis, à 15 ans, le jour de mon anniversaire, un imposteur. Puis, petit à petit, le contenu me parvint aussi. Ma chère Léno, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Je m'excuse de n'avoir pas écrit plus tôt. Quelle chance tu as de prendre du bon temps au soleil. Je suis ravie pour toi. Ouais. Je t'imagine à la plage. Alors comme ça, tu es amoureuse de Nino. Je ne t'ai pas écrit plus tôt car je ne voulais pas gâcher tes vacances avec mes sales histoires. Mais je ne peux plus garder le silence. Marcello Solara, avec l'accord de mon père, a commencé à venir dîner tous les soirs à la maison. Quoi ? Il arrive à 20h30 et s'en va à 22h30 précise. Il apporte toujours quelque chose. Moi, je ne touche à rien et je garde mes distances. Lui, il me regarde en silence. Après une semaine, il a décidé de m'épater. Il s'est présenté un matin, accompagné d'un gros bonhomme tout en sueur, qui a déposé dans la salle à manger une énorme boîte en carton. De cette boîte est sorti un téléviseur. Tu sais ce que c'est ? C'est un appareil doté d'un écran sur lequel on voit des images, exactement comme au cinéma, à part qu'elles n'arrivent pas d'un projecteur, mais des airs. Et à l'intérieur, il y a un tube mystérieux qui s'appelle un tube cathodique. Tube cathodique. Et maintenant, la moitié du quartier, y compris ta mère, ton père et tes frères et sœurs, viennent chez nous pour admirer ce miracle. À part ça, tout le monde s'en prend à moi. Rino dit que je l'ai abandonné à son destin d'esclave, forcé d'obéir à notre père, tandis que moi, je vais me marier et devenir une bourgeoise. Il dit n'importe quoi. Fernando et Nuncia disent que je ne suis pas gentille avec Solara. Ça, c'est vrai. Je le traite comme du poisson pourri. Marcello me harcèle de questions. Où vas-tu pendant la journée? Qui vois-tu? Est-ce que tu as déjà eu des petits copains? Ou quelqu'un t'a-t-il déjà effleuré? Comme je ne lui réponds pas, ou pire encore, je me pèse la tête en lui racontant toutes sortes de baisers et câlins avec des fiancés imaginaires. Un soir, il m'a dit à l'oreille, sérieux, « Eh bien, si j'apprends que tu en aimes un autre, je ne me contente pas de te menacer, mais je te tue. Compris ?» Léno, je ne sais pas comment sortir de cette situation. Je continue à porter ce tranchet sur moi au cas où, mais je suis terrorisée. Je me sens cernée par tout le mal du quartier. Marcello est peut-être un bon parti, mais le bon sent mauvais, et le mauvais sent bon. Et franchement, cette confusion me rend malade. Un soir, il y a quelques jours, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais toute seule dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, quand tout à coup, il y a eu une explosion. Je me suis retournée d'un bond et me suis rendu compte que la grande casserole en cuivre avait explosé. Comme ça, toute seule. Elle était pendue au clou où elle se trouvait habituellement, mais au milieu, elle avait un grand trou. C'est ce genre de choses qui m'effraient, Léno. Plus que Marcello, plus que quiconque. Et je sens que je dois trouver une solution. Autrement, une chose après l'autre, tout va se casser. Tout, tout, tout. Au revoir, mon ami. Joyeux anniversaire. J'ai beau être vraiment impatiente de te revoir et avoir grandement besoin de ton aide, je te souhaite de rester à Ischia et de ne plus jamais revenir dans le quartier. Lila. Il faut que je rentre plus tôt que prévu. Je suis désolée, j'ai reçu la lettre d'une amie et elle a besoin de moi. Je dois partir après-demain ou plus tard. Oh non. Oh non, déjà ? Oh, ça c'est trop triste. Tu peux pas nous abandonner comme ça, ma petite chérie. Mais comment on va faire sans toi ? Malin tout sole, più bello in è. L'un après l'autre, tous se retirèrent et je demeurai seule. J'installai mon petit lit dans le coin habituel et examinai les lieux pour vérifier qu'il n'y avait ni cafards ni moustiques. Je me déshabillai et me couchai avec la lettre de Lila et le marque-page bleu de Nino, qui étaient pour moi en ce moment mes biens les plus précieux. Soudain, j'entendis des pas. Je vis l'ombre de Saratore entrer dans la cuisine, pieds nus, avec son pyjama bleu. Je tirai le drap sur moi. Je sais que tu es réveillée. Ne pense plus à ton ami. Reste. Je peux pas. Elle va pas bien, elle a besoin de moi. Mais c'est moi qui ai besoin de toi. Il se pencha pour m'embrasser sur la bouche. Pas avec la légèreté de son fils, mais en entr'ouvrant mes lèvres avec sa langue. Je restai immobile. Il écarta un peu le drap pour chercher mes seins avec sa main et il les caressa sous ma chemise de nuit. Puis il s'arrêta et descendit entre mes jambes, appuyant fort deux doigts contre ma culotte. Je ne dis ni ne fis rien. J'étais tétanisée par son comportement, par l'horreur que je ressentais et par le plaisir que j'éprouvais pourtant. Ses moustaches picotaient ma lèvre supérieure et sa langue était rugueuse. Il s'écarta lentement de ma bouche et éloigna sa main. Demain soir, toi et moi, on se fera une belle balade sur la plage. Je t'aime beaucoup et je sais que toi aussi, tu m'aimes beaucoup. C'est pas vrai ? Bonne nuit. Je ne bougeais toujours pas. Je ne sais combien d'heures je demeurais dans la même position. Puis, aux premières lueurs, je me secouai, rassemblai toutes mes affaires, défis mon lit, écrivis deux lignes de remerciement à Nella et partis. Il n'y avait pratiquement pas un son sur l'île. La mer était immobile. Seules les odeurs étaient intenses. Je pris le premier ferry en partance. J'avais enfin une histoire à raconter à Lila sans qu'elle puisse rétorquer par quelque chose d'aussi mémorable. Mais je compris aussitôt que mon dégoût pour Saratore et la répugnance que j'avais de moi-même m'empêcheraient d'ouvrir la bouche. À suivre. L'amie prodigieuse de Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien, adapté par Victoire Bourgois. 8e épisode, un été à Ischia, avec Amira Casar, Louise Ori Di Chero, Sarah Chaumette, Marianna Granci, Pascal Camerbeck, Bruno Guéry, Julien Boiniche, Julia Dussolier. Musique originale, Arthur B. Gillette. Conseillère littéraire, Catel Guillou et Emmanuel Chevrière. Bruitage, Céline Bernard. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc et Bastien Varigo. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Sophie Aude Picon. L'Amie prodigieuse est éditée aux éditions Gallimard.